On se souviendra qu'en 1915, à la guerre, Sandrars perdit son avant-bras droit. Orion, c'est mon étoile. Elle a la forme d'une main. C'est ma main, montée au ciel. Durant toute la guerre, je voyais Orion par un créneau quand les Zeppelins venaient bombarder Paris. Il venait toujours d'Orion. Aujourd'hui, je l'ai au-dessus de ma tête. Le grand mât perce la paume de cette main qui doit souffrir, comme ma main coupée me fait souffrir, percée qu'elle est, par un dard continuel. L'équateur. L'océan est d'un bleu noir, le ciel bleu est pâle à côté. La mer se renfle tout autour de l'horizon. On dirait que l'Atlantique va déborder sur le ciel. Tout autour du paquebot, c'est une cuve d'outre-mer pure.